Oui, bonjour, c'est le petit personnage. Ouais, ça va faire un bail qu'on s'est pas vu dans ce podcast de blaireau. Mais si je reviens, c'est parce que l'heure est grave. J'ai beau détester absolument tout le monde, je déteste encore plus les fascistes. C'est pourquoi j'appelle tous les terriens de France à voter pour le nouveau Front Populaire le 30 juin et le 7 juillet 2024. Parce que si la jeunesse emmerde le Front National, moi, je leur chie dessus. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millenial, où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Mouskoff, mais vous pouvez m'appeler Maître, et je suis accompagné aujourd'hui de mes compères, de mon compère, pardon, Adrien. Bonsoir. J'ai peur, et en même temps, ça me tordonne un petit peu. Comment s'est passée ta dernière mission, mon cher compère ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. On résiste tant bien que mal avant que le nazisme arrive en France, mais c'est pas facile. Enfin, c'est facile pour nous de manière individuelle, mais c'est vrai. Non, okay. Mais du coup, ça part en manif. Hein. Si d'ailleurs vous me croisez en manif, n'hésitez pas à me dire que vous écoutez Faucon Millenial et je vous donnerai un sticker. Voilà. Absolument. Et 40 000 dollars aussi. Et 40 000 dollars en cash. Ouais. Ah oui, Adrien se balade avec des dollars parce que c'est un vrai gangster. Et beaucoup. Aujourd'hui, c'est parti déjà en couille. Aujourd'hui, nous allons nous accaper. Nous allons nous attaquer à l'épisode 4 de la série. The Acolyte. Je rappelle, hein, parce qu'on est déjà parti tellement en cacahuète, là, depuis le début. L'épisode 4, qui s'appelle Day, écrit par Claire Kieschel et Cor Adana. C'est tellement un... quand je l'ai vu, je dis, c'est tellement un vrai nom de... Oui, j'ai dit and au lieu de et. Cor Adana, ouais, c'est tellement un nom Star Wars, c'est dingue. Et c'est... du coup... Ouais, l'épisode... c'est vraiment... C'est... Alors, Cor, c'est l'un des noms de mais aussi Star Wars donc. et du coup l'épisode est réalisé par Alex Garcia Lopez. Alors dans quoi dans quoi avons-nous déjà vu Alex Garcia Lopez? Je suis curieux, mais je crois que j'ai explosé. Non mais c'est ça marrant parce pratique. Que le nom disait quelque chose mais j'ai pas vérifié mais Alors, je suis sur sa page IMDb, c'est un réalisateur qui vient de Buenos Aires, ouais. En Argentine. Alors, il a réalisé 2 épisodes de The Witcher, il a réalisé 3 épisodes de Utopia, qui est une putain de bonne série que je vous conseille. Et il a réalisé aussi 5 épisodes de l'adaptation live de Cowboy Bebop, voilà. Ok, d'accord. Donc, un réalisateur de série, quoi, série d'action à peu près. Absolument. Il a aussi réalisé des épisodes de Daredevil, de Punisher, de Sabrina... Et aussi de Fear the Walking Dead. Voilà. Il y a un peu de tout, quoi. Et de Misfits, putain. Vous vous rappelez de Misfits? Tu te rappelles de Misfits? J'ai jamais c'est regardé, mais je me rappelle, oui. C'était plutôt bien, Misfits. D'après mes souvenirs. Peut-être c'est en fait pas terrible, mais moi j'aimais bien quand j'étais ado. Voilà, pardon. Bah, tu sais, moi j'aimais bien South Park quand j'étais ado, alors on sait bah, jamais. Ouais, nous tous, hein, nous tous. Quand on croyait encore que la gauche et la droite... c'était con. Quoi? Non, mais je veux dire, c'était un truc. Ce que je veux dire, c'est que c'était une série centriste. Ah oui, de ouf, ouais. Et... Ouais, mais c'est rigolo, ils disent des gros mots dedans. C'est vrai, ils disent beaucoup de gros mots. Mais vous savez dans quoi ils disent pas de gros mots? C'est The Acolyte. Et du coup, sans spoiler, mon cher Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Écoute, j'ai bien aimé. Après, j'aime vraiment, pour l'instant, tous les épisodes de la série. Il n'y en a aucun qui est à jeter pour moi. Maintenant, je trouve que celui-ci, c'est un de mes préférés. Même si mon préféré ever, je pense que c'est le premier. Mais celui-ci, il est vraiment trop cool et les personnages sont géniaux et commencent vraiment à briller pour le coup. Donc moi, vraiment, j'adore. C'est complètement ma cam. Et toi, mon petit Groschkoff? Bah j'aime bien. On est toujours dans la continuité pardon, des épisodes précédents, même si moi pour le coup mon préféré c'était l'épisode flashback, l'épisode 3. Mais celui-là il est bien. Le seul truc que je dirais c'est que on dirait vraiment un épisode en deux parties coupé en plein milieu quoi. C'est le seul petit point noir que je mettrais. Autrement, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans en pas beaucoup de temps. Il y a énormément de choses qui sont très très Star Wars dedans et aussi très intéressantes dont on va parler. Et honnêtement, une des meilleures scènes de Star Wars ever dans cet épisode. Je sais pas plus si... jamais. Non, attends. Plus jamais tu dis que je ne dose pas. De okay. Quoi? Bah non, bah je dose parfaitement. je dirais peut-être pas top 10, mais top 20 facile. Ouais, ça marche bien. Hein. Ouais. En termes de la réalisation, la musique, tout est vraiment vraiment bien foutu dans cette scène-là et je pense que on n'avait pas eu une scène similaire depuis Star Wars épisode 1. En termes d'impact, d'accord. D'arrivée d'un personnage. Ok, ouais. Tu penses à qui dans l'épisode 1 ? Maul. À quel moment ? Quand les portes s'ouvrent et qu'il est derrière. Ouais. C'est vrai que c'est stylé. Oh putain. Ouais. Et c'est la seule scène un peu comparable à laquelle j'ai pensé. Ouais. Petite mention, je sais pas si on en parle avant ou après, mais je trouvais que la musique de cet épisode était particulièrement bien. Je trouve que Michael Ebbels est un peu en retrait pour l'instant. On n'a pas entendu beaucoup de thèmes qui vraiment étaient reconnaissables, on va dire. Mais dans cet épisode-là, par contre, waouh, il envoie. Hein. Ouais, et en fait, peut-être plus dans son élément faire peur et ça. Tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que vraiment, là, comme c'est un épisode qui fait un peu peur, c'est bon, il arrive bon. Les gars, c'est chez moi. Ça, je c'est ça. Ok, bon, très bien. Maintenant, si vous ne voulez pas de spoiler, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans cet épisode 4 de The Acolyte. Est-ce que tout le monde est ready? 3, 2, 1. Zone spoilers de la patapachterabaloui. Badabadapouapapoué. On est incroyable, hein. Depuis qu'on a eu du budget, là, on le montre sans arrêt. Et merci aux donateurs Patreon. Hein. et comme, du coup, toutes les semaines, on va suivre la trame de l'épisode et commenter au fur et à mesure. Cette fois-ci, je fais comme mon compère Adrien et j'ai l'épisode devant moi pour ne pas me perdre. Et on peut dire qu'on commence évidemment l'épisode avec j'ai oublié de passer les logos. Putain. Alors on commence sur la planète Kofar avec Ken Laka dans son marais. Et c'est vraiment Shrek ce bâtard, hein, je suis désolé. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Du coup voilà, il est en train de faire du bricolage. Ça a l'air d'être son truc, le bricolage. Il fait à manger aussi, je crois. C'est vrai que et il faisait du bricolage aussi dans le flashback. Ouais. Et il y a des motifs un peu curieux partout sur les murs de son habitation et ouais. Notamment le motif eh bien de la du coven, la sisterhood, ouais. Du coven, c'est ça, je me rappelais plus. Du coven des Aniseia. Donc ouais. Voilà. On c'est vrai qu'ils n'ont pas de nom. Bah ils n'ont pas de nom, ouais, on ne sait pas encore. Hein. D'ailleurs, ouais. J'ai cherché juste une seconde. Comment on dit coven en français? Un couvent. Une assemblée, mais un couvent, c'est sur. Ah oui, couvent, c'est pas vrai. Couvent, c'est plutôt religieux, mais pour moi, c'est à peu près la même idée d'un endroit, tu sais, un peu reculé, un peu... Ouais. En tout cas, encore une fois, on ne savait pas jusque-là, mais lui aussi, il a été absolument marqué par cet événement. Et, ouais. Enfin, évidemment, il était parti en retrait, mais... Mais moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'était compliqué. Ouais, il doit y avoir des choses à se reprocher, le petit Wiki aussi. Là. Ouais, tous. Hein. Le gros. Ouais, voilà. À part ça, le fait qu'il est obsédé par ce symbole et tout, est-ce qu'il a essayé de le comprendre ou est-ce qu'il est juste... pas bien. Qu'est-ce que tu penses, toi? On sort, ouais. Bah, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il est un peu des deux. Hein. Mais je pense surtout qu'il est pas bien, à mon avis. Enfin, la culpabilité, ça a l'air d'être l'un des éléments principaux de la série. L'un des thèmes, les thématiques de la série. Donc, je pense qu'à mon avis, il s'en veut. Je pense qu'il y a une. Oui. Enfin, il s'en veut, mais tu sais, c'est pas le même type de culpabilité qui peut y avoir chez, par exemple, Saul. Ou même Thorbin, qui lui, pour le coup, Thorbin était vraiment dans une culpabilité monstre, qui vraiment le. Enfin, il s'est coupé au monde, en fait, avec ça. Lui, j'ai l'impression qu'El Nakai, en fait, il est. Enfin, il serait pas devenu fou par hasard, tu sais, genre. Et il est devenu Shrek, quoi. Je sais pas. Hein. Il est devenu Shrek, le mec, il est devenu Shrek, quoi. Il dire à quel point. Fuck it, I'm becoming Shrek. Ouais, c'est ça. Tellement fucked up le mec qu'il est devenu Shrek, quoi, c'est quand même terrible. mais du coup, c'est intéressant parce que c'est différents types de culpabilité, et je pense que chacun des quatre Jedi incarne une culpabilité différente. Hein. Saul, il a décidé d'aller de l'avant justement et de réparer ses erreurs en apprenant la force et à être une Jedi à son apprenti. Comment ? Est-ce que c'est pas les cinq détails du deuil ? Mais peut-être que si, hein, je sais pas. Mais à mon avis, il y a un truc comme ça. Peut-être qu'ils sont tous à un stade du deuil différent. Moi, j'ai l'impression, par exemple, putain, c'est compliqué des noms. Il y en a beaucoup, mais comment ? Trinity. Oui. Indara. Je pense que Indara, elle est en plein déni, par exemple. Elle avait pas l'air de comprendre trop qui était May. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai qu'avec Sol, c'est la seule qui est restée relativement, on va dire, normale. ouais, complètement, ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est une série intéressante. Hein. Je pense que vraiment, la culpabilité, on l'avait pas encore vu trop dans Star Wars. Et pour autant, il y a quand même beaucoup de rédemption, mais la culpabilité, le sentiment de culpabilité, ça n'a pas encore été beaucoup étudié, enfin beaucoup exploré, ouais, c'est ça. Maintenant c'est trop bien que ça se fasse enfin, et par le biais de Jedi en plus, c'est les meilleurs persos pour exprimer la culpabilité, parce que leur ordre il est complètement claqué, quoi, et on le voit bien. Et surtout, je trouve que ça renforce aussi le côté Haute République, parce que les livres, ils font ça, ce genre de choses-là. Où oui, c'est vrai. Ils ouais. prennent un concept et puis ils l'étudient sous leur biais. Et du coup, c'est vraiment adapté. La culpabilité, par exemple, elle est beaucoup présente hein, dans la Haute République. Absolument. Dans les romans. Ouais. Absolument. Du à coup, ça a tout différents. À fait sa place, là. Oui, on est entièrement d'accord là-dessus. Et donc, on arrive sur Coruscant avec Jackie qui s'entraîne avec un bâton. C'est bizarre ça, il n'y a personne qui s'est énervé qu'elle ne s'entraînait pas avec un vrai sabre laser. Oh, peut-être qu'il y en a qui se sont énervés, t'inquiète pas. Hein. Osha qui attend là pour lui dire au revoir parce qu'elle a décidé que bon. Maintenant, ils ont trouvé sa sœur. C'est plus son problème à elle. Ouais, et c'était intéressant, en vrai, comme approche. Je m'y attendais pas. Il y a plusieurs trucs dans cet épisode-là qui arrivent, et je m'y attendais pas, mais... Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas logique, c'est juste... je pensais pas que ça irait comme dans ce sens-là. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça prend des des tournures assez inattendues. Maintenant, le dialogue entre Osha et Jackie, moi j'ai trop aimé. Et vraiment, en fait, je m'en étais pas vraiment trop rendu compte avant. Pipoute. Mais Daphne Keane, elle joue extrêmement bien aussi. Hein. Elle a vraiment son propre, sa propre gestuelle et tout. Ouais. Cohérente, elle est vraiment dans son personnage. Mais ça marche bien entre les deux. Très bien. Coup, pour le coup, que ce soit elle ou Amanda Stenberg, vraiment les deux, enfin, ensemble, ça fonctionne trop bien et vraiment, c'est du régal de les voir interagir ensemble, quoi. Et en plus, par rapport à ce qu'elles disent, c'est intéressant parce que du coup, Osha dit au revoir à Jackie et Jackie, son premier réflexe, ça a été de lui dire bah, dis au revoir à Saul quand même. Mais... et Osha veut pas. Ouais, Osha, c'est trop dur. Dit, non, c'est mais elle a déjà dû lui dire au revoir une première fois. Même si elle regrette pas, ça veut pas dire que c'était pas difficile. C'est ça. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses qu'on sait pas, hein, au final. Peut-être qu'on saura jamais, mais par rapport à leur relation et tout. Ouais, ensuite, c'est trop bien. On revient sur Kofar avec un vaisseau qui vient se poser et nous déglutit. Qu'est-ce que je raconte? Et en sorte. Mais, et notre cher Kaimir, le plus bel homme de la galaxie, je crois. Oh, c'est indécent d'être beau comme ça. Hein. Non, mais c'est pas possible. Hein. Et il n'a pas le droit d'être aussi beau, ce bâtard. Ça me vraiment. Rappelle... Oh, putain, comment il s'appelait l'acteur qui aurait pu être Obi-Wan, mais... J'ai envie de dire un mot, mais je me trompe peut-être. C'est pas Toshiro Mifune ? Exactement, je me souviens, ouais, j'avais vu une photo de lui une fois. Une photo de lui où il était. Ouais, où il avait exactement le même genre de vibe. tu sais quoi, je te l'envoie là. Ouais, carrément. On a pas mal des comme ça. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout dans, t'as raison. Coup... Ouais. T'as entièrement raison. Ah, c'est vraiment Star Wars, hein. Pour... ah bah ouais, voilà. Et puis, Toshiro Mifune qui joue dans Rashomon, tu vois, finalement. Ouais, on en revient toujours à ça. Hein. On en revient toujours à Rashomon. Mais oui, parce que, bah, Kurosawa, tout ça, c'était les influences, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein. Ah oui, mais c'est George Lucas, c'est le plus gros Wii de la Terre. Hein. Oh, ah ouais, non, mais de ouf. Oh là là, lui, il connaît Senseiya et tout, hein, t'en fais pas. Plus fan d'Akira que Kurosawa, ça n'existe pas. Le mec, il a été jusqu'à dire à Kurosawa, hey, tu sais quoi, ton film, je le produis. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est vrai, ça, c'est... je trouve que c'est trop mignon. C'est trop cool, c'est vraiment trop bien. Et ça montre encore une fois, un truc qui est intéressant. Même vis-à-vis par rapport à mes recherches, tu sais, en fait, Star Wars, c'est un fan film géant, en fait, en tant que tel, de plein d'inspirations, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que, voilà, c'est George Lucas n'a jamais nié ses inspirations. Et, au non, contraire, évidemment. Même. Ouais. Il faut les célébrer. Bref. Revenons à nos méchants. Oui, d'ailleurs, Kaimir qui essaye clairement de protéger Osha et elle lui fait pas totalement confiance. Mais à chaque fois, hein, je t'ai dit, à chaque fois. Ah, t'inquiète pas. Bon, pour le coup, c'est littéralement la même personne, hein, j'ai le droit. Et il lui dit non, va pas dans la forêt toute seule et tout, c'est super dangereux. Et toi, t'y es déjà allé? Fait ouais, ouais. Ah ouais. Et bon, je sais pas toi, mais moi j'y crois pas du tout non plus. Non, mais voilà, c'est vraiment la musique, tu sais, qu'il y avait sur certains TikTok là. Don't be suspicious, don't be suspicious. Don't be suspicious. Je veux dire, il a pas l'air assez compétent pour faire ce genre de choses-là, mais en même temps, je le crois qu'il est venu, mais comment dire. Et pour le coup, moi je suis. Quoi. Moi je le soupçonne d'être le maître de May, mais elle, je pense qu'elle est en mode oh, il bullshit. Clairement, il est pas. Il est pas aussi courageux que ce qu'il dit. Il se moque de moi un peu, je pense. Ouais, je pense qu'elle doit se douter d'un truc, à mon avis. Bah, elle se doute qu'il dit pas forcément la vérité, mais je pense pas qu'elle se doute de. Comme, en tout cas, comme moi, que ça pourrait être lui le maître. Ouais. En tout cas, voilà. Ensuite, qu'il décide de. Il décide de partir dans la forêt à la recherche de Ken Maka le Jedi afin que May puisse le tuer sans arme, ce qui est une des conditions du Master. Ouais, tout à fait. Et on revient sur Coruscant pour voir le plus gros bouffon de la planète. Il a beau avoir deux cerveaux, c'est le plus stupide. C'est aussi le plus gros baiser. Hein. Et aussi le plus gros baiser. Attention, est-ce qu'il retconne ça? Par contre, là, je vais m'énerver. Hein. Oh là là, changer sa date de naissance, je suis ok, mais alors changer son énorme caquette, là, je suis pas d'accord. Bref. Purée. Non, mais voilà. Qui a dit Mundi est là. Et alors, pour le coup, son nom n'est pas dit. Non. Mais il a. Exactement la même tronche, et surtout, il dit de la merde. Il y a tellement peu de personnes de son espèce que, a priori, c'est lui, quoi. Oui, et encore une fois, j'ai vu quelqu'un, Star Wars Explained, qui disait qu'il adore qui a dit Mundi parce que à chaque fois qu'il dit quelque chose, il a tort, et c'est tellement vrai. Genre, bon, non, c'est pas possible, les sites ils existent pas, des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'il dit un truc, c'est genre le truc le plus stupide que t'as entendu de ta vie. Et le mec, il a deux cerveaux, il est pas vraiment. Ce truc, ils sont en conflit. D'en utiliser un, quoi. C'est ça. Donne-les à quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça justement incroyable qu'ils soient là quand ils sont là, parce que quand ils regardent tout ça, qu'ils se disent ok, il y a une jeune personne qui. Sait se battre, qui assassine les Jedi et tout, et c'est là où je comprends pas aussi le fait que les gens disent, mais il a dit qu'il y avait pas de Sith. À aucun moment, ouais. Aucune personne ne parle de Sith. Ils se disent, oh, un Jedi qui est devenu un peu méchant ou quoi que ce soit, à zéro moment il parle de Sith. Et je trouve justement que c'est très très important. C'est qu'ils y pensent même pas. Bah oui, mais ça, c'est un vrai problème. Genre, quand tu vois des mecs, désolé, c'est notre moment bitching. Chaque semaine, on a un moment où on bitch, Grushkov et moi. Et là, c'est maintenant, ça y est. Mais je suis désolé, mais quand tu vois des mecs comme Star Wars Theory, qui est quand même, genre, soi-disant, genre, le connaisseur du lore Star Wars, oh. Le mec. Non, mais qui est soi-disant, genre, le mec qui est là à dire. Je crois que c'est le plus gros youtubeur Star Wars qui existe. Probablement. Tu vois, le mec, c'est pas censé être n'importe qui. Et quand le mec vient te dire que c'est pas cohérent parce qu'il a dit que les Sith ça n'existait plus depuis 1000 ans et que là il parle d'un Sith, mais à aucun moment il parle d'un Sith. Tu l'as vu l'épisode, connard? C'est un truc de ouf. Non, mais. C'est un truc de ouf. C'est très symptomatique. Tiens, c'est marrant, je disais ça dans. Dans des commentaires, c'est rare que je commente des trucs sur YouTube, mais j'ai laissé un commentaire sur un truc où je disais que tous ces trucs-là, c'est tellement symptomatique du fait que les gens ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ouais. Principalement ces gens-là qui n'écoutent pas ce que les personnages disent, qui ne font pas le lien entre deux événements de quand c'est pas explicitement dit Et je disais, ça me rappelle tout le truc avec les... Justement, on en revient encore une fois, le Rashomon de Last Jedi, où ces gens-là, pour eux, la vérité des flashbacks, c'était le truc, Luke a essayé d'assassiner Ben, alors que tout le principe, enfin tout, c'était que c'était faux, c'était juste une version distordue de la réalité, du point de vue de Ben, qui s'est retrouvé face à ça, qui savait pas what the fuck, ce qui se passait. Et, ouais. Et eux, ils se sont dit, oh, d'accord, et il a essayé de l'assassiner, alors que c'est pas ce qui s'est passé. Il l'aurait jamais fait. C'est tout le principe, c'est que, oups, s'il s'était pas réveillé, rien ne se serait passé. Oui, c'est vrai, ouais. Et encore une fois, on se retrouve face à un truc où il râle par rapport à un truc qui ne s'est pas passé dans l'épisode. Ouais, juste, personne n'a dit le mot dans le truc. Et bah c'est ça. C'est fatigant, non, encore une fois. Des menaces dans Star Wars, vraiment, il y en a des milliers possibles. Il ne sait pas que les Sith, les méchants. Oui, en plus. Et si ça n'en était pas abruti... un. Non, mais oui, c'est ça, mais complètement. Mais si même cet abruti de Cady Mondi, il a compris ça, je veux dire. Il peut comprendre aussi Star Wars Story, tu vois. Bah, peut-être. Lui, et tu sais, Cady Mondi, il a deux cerveaux, il sait pas s'en servir, alors Star Wars Story, avec ouais. Un seul, il peut pas aller très loin. Putain, c'est quand même terrible. Hein. Mais c'est d'une tristesse. Et ça montre bien, encore une fois, à quel point on peut se retrouver dans des situations, même politiques, horribles, parce que les gens, ils ont aucune média littératie. Ils savent pas lire. Exactement. Les œuvres qu'ils regardent. Aucune compréhension de ce que t'es en train de regarder. Et ce qui est très drôle, venant de gens qui ont fait leur popularité sur le fait de faire des théories. Mais ouais, en plus. Les théories, c'est pas censé être, tu sais, une forme d'analyse. Genre, tu analyses ce que tu vois, tu le comprends, et du coup, de là, tu formes des possibilités, des hypothèses, des trucs comme ça. Non. Tu inventes des trucs qui ne se sont pas passés, tu chouines. Et tu vas faire des menaces de mort. Incroyable. C'est fantastique. C'est vraiment honteux. C'est vraiment, mais c'est une honte. Et du coup, la scène, moi, je la trouve plutôt bien. T'as les Jedi qui se parlent. Alors, c'est pas le conseil, hein, mais du coup, c'est pas le conseil. C'est des Jedi qui ont l'air assez, assez haut quand même, hein, je pense, dans la hiérarchie. Mais alors, c'est trop marrant parce que du coup. Je pense que c'est des maîtres, ouais, tous. Ouais, je pense que c'est tous des maîtres, ouais, à mon avis, ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as Cady Mundi qui est là. Ouais, on devrait parler au conseil. Et puis Vernestra lui dit, j'ai juré, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je te jure. Je vais te fouetter le cul, mon gars, ça va te calmer direct. Et vraiment, du coup, c'est très drôle. Parce que Vernestra, elle se pose vraiment en tant que genre, ouais, enfin, c'est pas n'importe qui, elle le sait, quoi. Ouais. Elle le sait dans le sens où, pas dans le sens où elle écrase les autres, mais dans le sens où elle sait ce qu'il faut, en fait. Et c'est cool. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas du tout choqués de voir Vanessa dans cette position. Mmh. Elle a toujours, je trouve, eu ce côté. Alors, j'ai pas tout lu, hein. Mais dans ce que j'ai lu où elle était dedans, depuis toute jeune, elle a ce côté toujours. Elle suit pas toujours les règles, mais en même temps, elle sait ce qu'il faut de mieux. En fait. Absolument. Et je trouve que ça correspond complètement à cette Vernestra qui, pour le coup, reste calme, reste et dit non, on ne doit pas alerter le conseil parce que sinon, ça va créer de la panique totale. Et non, c'est impossible. Et justement, en fait, c'est là où ça répond à cette Vernestra qui est un peu rebelle sur les bords quand elle est jeune, c'est qu'en fait, là, c'est pareil. La règle veut qu'il faut en parler au conseil. Elle a dit non, Cady Mundi, tu te calmes, on n'en parle à personne parce que non, c'est pas la bonne chose à faire. Et c'est là où vraiment, enfin moi je trouve que cette Vanestra, elle est vraiment vraiment cohérente avec ce qu'on a eu avant. Ouais. D'ailleurs, je me demande, je me souviens plus, mais dans la suite, elle donne du coup à Maître Holden la mission d'aller ramener Kelnaka de Kofar. En poussant un peu Saul de côté, en le faisant pas participer à la mission. Et je suis pas sûr qu'elle explique exactement, mais est-ce que c'est parce que elle a peur pour lui aussi, ou est-ce que c'est juste parce que justement il est trop impliqué émotionnellement, et aussi parce que oui, clairement c'est lui l'autre, la dernière victime, c'est lui. Ouais. Moi je pense que d'un point de vue émotionnel, elle lui fait confiance. Ouais. Je pense. Elle dit que voilà sa connexion avec les deux jumelles pourrait être un souci. Ouais, mais je pense quand même que je pense qu'elle lui fait confiance. Je pense qu'elle est. Mais je pense pas qu'elle le laisserait partir dans tous les cas. Voilà. Si elle doutait, elle l'aurait pas laissé partir. Concrètement, Vernestra, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Il n'y a pas de souci, et voilà. Mais pour le coup, elle dit bien, hein, j'ai peur que May soit qu'un minuscule bout du plan du master, tu vois. Ouais. Et un plan qui est difficile à voir, elle rajoute. Oui. Donc c'est... C'est intéressant. Ouais, elle se rend compte qu'il y a vraiment... Il y a plus derrière tout ça que ce qui paraît. C'est pas juste une jeune femme qui veut prendre sa revanche sur des gens... sur des titres qui ont fucked up il y a 16 ans. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est rigolo, parce que je pense que... Je me demande à quel point... Mais... c'est qu'elle est juste un outil pour l'instant. Ouais. Je pense qu'elle se rend compte dans l'épisode, en vrai. Ouais, justement, du coup, l'épisode retourne sur Kofar et Kaimir, toujours de manière tout à fait normale, hein, pose des questions à May en lui demandant « Et pour toi, ça veut dire quoi ? Tu es un Jedi sans armes ? Qu'est-ce que t'en penses ? » Et puis en plus, t'as un peu raté jusque-là. Non, tu trouves pas ? Et imagine si j'étais les maîtres, comment tu me saluerais ? Juste pour voir, hein, imagine. C'est trop ça. Hey, je te jure, si c'est pas lui, Je sais pas. Je sais pas ce que je ferais, mais je serais très étonné. Mais moi, je me dis... je sais pas. Peut-être c'est parce que, justement, on connaît trop bien les ficelles scénaristiques, tu sais. Mais je me dis que c'est trop gros pour que ce soit lui. Tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est logique. Tu vois, jusque-là. Et en même temps, ça serait... De la façon dont il se comporte. Ouais, là ils me disent la semaine prochaine, enfin mercredi du coup, ils me disent bon bah c'est Kimir sous le masque. Oui, a priori y a pas de problème, c'est logique narrativement parlant. Maintenant je demande qu'à être étonné, hein, mais pas forcément, mais si c'est pas le cas, il y aurait, oui c'est vrai, pas forcément, mais si c'est pas le cas, j'avoue que ça c'est pas très grave, hein. Et aussi ça, hein, juste un truc par rapport à ce qu'on disait avant, hein, les ce que l'audience, le public prend d'une œuvre et tout. Si tu devines le twist en avance, ça veut juste dire que le truc a bien fait son job de te dire, de donner les indices. Hein. C'est bien, des fois, de deviner. C'est même satisfaisant. Hein. Faut pas être en colère parce qu'on se souvient tous d'une série qui était massivement suivie. Et à un moment, les gays, ils ont cru que ce qui faisait que les gens aimaient la série, c'était qu'elle était imprévisible. Alors que non, pas du tout. C'était imprévisible, mais c'était logique. Et c'était ça, le truc. Ouais. C'était un suivi d'événements logiques. C'est pas juste complètement random. D'un seul coup, ça va arriver parce que c'était pas prévisible. Non. Si, y a une logique à chaque truc. Et pour l'instant, les personnages ont tous leur propre logique interne. Et on va le voir un peu plus loin dans l'épisode. Ils ont... La série s'amuse beaucoup à mettre en des points de vue en opposition entre de la part de deux personnages et de laisser un des personnages évoluer grâce à ça en étant confronté à quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord. Enfin bref, voilà, il est pas discret. Mais Osha, qui a l'air d'être gavé par lui, elle lui demande quand même comment se comportait sa sœur quand il l'a vue. Et là, j'ai besoin de toi, parce que il lui répond qu'elle avait l'air très attachée à Sol. Et une fois qu'il dit le nom, mais réagit spécifiquement. Ce qui est intéressant, parce que j'ai pas eu l'impression Comment ? Attends, t'en es où là exactement ? Je t'ai pas suivi. Mae demande comment se comportait Osha et tout, comment était Osha quand Kaimir l'a vu. Et il lui répond elle avait l'air d'être très attachée à Sol. Ce qui, je pense, il dit ça exprès pour voir sa réaction. Et justement, elle réagit spécifiquement à ça. Et musique à l'appui et tout, genre quelque chose s'est passé. Mais elle l'a déjà confronté, Sol. Elle avait pas l'air de dire qu'il avait fait quoi que ce soit de spécial comparé aux autres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça par rapport au fait que sa sœur a une bonne relation ? Et est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose de mauvais, mais que c'est ça qui lui fait prendre la décision qu'elle va prendre plus tard? Oh oui, je pense que c'est là où elle shift, à mon avis. Et que depuis le début, nous, on se dit, est-ce que Sol, il a vraiment fucked up et c'est lui le pire? Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Il est trop beau pour être vrai. Et est-ce que c'est lui qui a fucked up le plus? Mais en même temps, une fois qu'elle apprend ça, on voit plus tard qu'elle change d'avis. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être que, justement, en se disant « Osha, fais confiance à Sol », et d'une certaine manière, ça la rassure dans sa décision de « Ok, je peux me rendre sans souci. » C'est vraiment étrange. Je me demande. Ouais. Et pour le coup, y a un truc qui se passe, et ce truc qui se passe là est directement discuté dans la scène d'après entre Sol et May, et Osha, quand justement Sol veut embarquer Osha avec lui en mission, et elle dit « désolé, mais je n'y arriverai pas », et Sol lui dit « quand je dis à May que tu étais vivante, ses yeux se sont adoucis ». Ouais. Et littéralement, en fait. Ouais. Et ouais, dis bien, elle est devenue une autre personne, une personne différente. Et en fait, voilà. Il est vraiment dans le camp rédemption, hein, Sol, pour le coup. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est en ça où c'est un des meilleurs Jedi qu'on ait vu en live action. C'est parce qu'en fait, il a compris. Il y a tellement de compassion, vraiment. Ouais. Ils en parlent dans les films, mais de la part d'aucun Jedi, j'ai jamais vu ça, personnellement. À part Cal Kestis, mais il est pas dans les films. Ouais, un peu, ouais. Et même Cal, il a été endurci par la guerre des clones. Genre, ils sont vraiment dans une autre ère, où c'est pas facile, mais Cal, déjà comparé à la plupart des Jedi... Il y a qui, on pourrait dire Ray, a pas mal de compassion. Ray, quand même, ouais. Mais les autres, c'est souvent compassion vraiment uniquement vers leurs très proches. Tu vois, est-ce que Obi-Wan, il a de la, a des intérêts, vraiment quoi. De la compassion? Un des trucs qu'il dit dans l'épisode 1, c'est genre, tu vas encore nous ramener une créature stupide, un truc comme ça. Une pathetic life form, il dit. Il a aucune compassion, Obi-Wan, dans le... Alors, il en a, je trouve, dans la série Obi-Wan Kenobi. Absolument, absolument. Il est beaucoup plus humain, beaucoup plus terre à terre. Encore une fois, Jedi, en fait. Exactement. Libéré du poids de l'ordre, en fait. C'est vrai. Saul, c'est le seul qui est dans l'ordre et que tu vois avec beaucoup de compassion. Alors après, dans les livres, c'est une autre histoire. Par exemple, Yoda, par exemple, dans le dernier livre de la Haute République qui est sorti, et même tout le Conseil d'ailleurs, il y a plusieurs scènes où les Jedi, même le Conseil, montrent à quel point ils comprennent le côté humain, d'une manière rigolote, parce qu'il y a plein d'aliens, mais le côté humain des Jedi et qui montrent, qui font preuve de compassion envers un Jedi qui pense qu'il a fucked up, qu'il est et tout. Mais c'est dans les livres, c'est très différent dans les en ce qui concerne le live action, on a rarement eu un Jedi comme ça. Et voilà. C'est le meilleur. Je suis d'accord avec toi. C'est Bebou. Et puis, Lee Jung-jae joue terriblement bien. Ça. C'est indécent d'être aussi doué dans l'acting. Il est trop fort, quoi. Et il faut vraiment que tu regardes Squid Game. T'avais pas vu Squid Game? Mais si, je l'ai vu. Si t'as vu, je me rappelle plus, voilà. C'est trop bien. Si. Voilà. Moi, je le trouve meilleur, là. Ouais, ah, il avait plus de trucs à faire dans Squid Games, mais... Ouais. Dans le truc spécifique qu'il a à faire ici, il est vraiment bluffant. Ouais. Et effectivement, du coup, ils discutent et tout. Et il lui dit à la fin, je te promets que quand on aura fini, je te raconterai tout ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, il n'a pas tout dit encore. Ouais. On n'a pas encore tout vu. Et tu vois, est-ce que c'est pas lui l'acceptance ? L'acceptation, pardon. Ouais. peut-être, si, t'as raison. Enfin, t'as raison, on en sait rien. Ou alors, est-ce qu'il va mourir avant de pouvoir tout dire? Oh là là, on verra. Les personnages qui font des promesses, on sait comment ça finit. C'est vrai. Et évidemment... Ensuite, les Jedi y vont et on est introduit à... le meilleur personnage de tout Star Wars à mes yeux, mais... Ah, voilà. Attends, je peux cocher une case de mon bingo, du coup. Il y a un Keldor dans le fond, d'ailleurs. Oui. Une espèce de loutre ragondin, là. Basile. Un Basile. Le Basile. Mais ouais, non, j'adore. Vraiment, c'est trop bien, Star Wars, parce que t'as un truc vraiment... C'est vraiment un truc... Enfin, c'est une intrigue quand même qui fait peur, qui est un peu triste, qui est un peu... Tu vois, ça parle de culpabilité, de deuil et tout ça. Et là, ça nous met vraiment un extraterrestre comme Basile. Et moi, c'est vraiment... J'adore de trop. Le design fonctionne trop bien en plus. Osha qui est en mode qu'est-ce que c'est que ce truc de Jackie qui est bête. C'est Basile. mais c'est marrant parce que comment le design de Basile vient du Legends, je crois. Alors non, c'est même pas ça. Ça vient de... Attends, en gros, c'est la description, enfin, ça correspond à la description qu'on avait d'un... Oui, c'est ça, d'une créature dans un roman du Legend. Et voilà, du coup, c'est l'espèce des Tinan, je sais pas trop comment on dit, je pense plutôt Tinan. Et c'est rigolo, parce que voilà, c'est cool, tu vois, qu'ils piochent encore une fois dans des... Ah oui, c'est là. Dans des vieux trucs. Autant prendre des petits trucs un peu partout, moi. Et Leslie Adlan avait dit qu'elle ferait ça. Ouais, pour le coup, il n'y a aucun problème. Elle s'en sort à merveille pour ça. Enfin, hein. Vraiment, c'est... que tu sois fan du Legends ou du canon, t'as ce qu'il faut, en fait, j'ai l'impression. Bah, en tout cas, nous, c'est notre cas, et on n'est pas fan du Legends. Non, clairement. Mais voilà, enfin, Basil est trop marrant. Alors d'ailleurs, il va falloir qu'on parle, parce que en anglais... Ah oui. En anglais, du coup, comment ? Osha dit, est-ce que il ou they ? Ouais, c'est ça. Est avec nous. En gros, c'est ça. Elle demande à... Osha demande à... à Jackie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il... elle ou Yel est avec, dans notre camp, quoi. Et en fait, en français, c'est juste... la traduction, c'est... Est-ce qu'il... Cette créature est avec nous ? Okay. On a squeeze le they, qui était un peu dommage. On a changé en cette créature. Mais on a l'habitude, hein, vraiment, voilà. Si vous êtes non-binaire, vos pronoms sont désormais cette créature. Sachez-le. Lui, cette créature. Parfait. Non mais voilà, c'est dommage parce que on a un peu la garde française, on va dire, hein, des pronoms IEL à propos de Star Wars et de Lucasfilm en France. On est toujours très à cheval là-dessus et on fait attention et on en parle pas mal sur notre serveur Discord. Les liens sont dans la description. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on était un peu déçus de voir que ils avaient pas mis ils avaient pas mis le Yel, qui pourtant, je crois, est dans un épisode. Non, même pas. Non, c'était dans un livre. Dans un... Oui, d'accord, mais je veux dire en live, enfin en série animée. En série animée, il me semble qu'il y a aussi un déni de. Ah oui, un déni, oui. Un déni de non-binarité de Yel dans la série animée Tales of the Empire, je crois. Oh, j'avais pas vu ça. Voilà. Bah du coup ils l'ont pas mis Yel, ils l'ont joué au masculin, ce qui est absolument horrible. Ah purée. Ouais. Bon, pour en venir à des trucs plus fun, Jackie parle aux locaux. Avec voilà. Son traducteur, j'ai trouvé ça rigolo. Il y a vraiment un peu quelques petits bouts un peu marrants dans cet épisode. Et ça fait du bien, de temps en temps. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, puis notamment quand il commence à partir et que Yord donne le bout de tissu à Basil de Best, et Basil commence à courir, et Yord est là... Ouais, mais genre, tu parles, genre, sa langue et tout, et lui, il est là en mode, moi, c'est bon, j'ai pas pris Shiryuk, comme, comme tous ces gens, moi, là. Moi, j'ai fait latin. Hein. Voilà, et vraiment, c'est vraiment le mec qui te dit espagnol, non, moi, je fais allemand, s'il te plaît. C'est vraiment, littéralement, la même vibe, quoi. Et ça me fait lui trop rire. Lui, fait allemand parce que... LV1, même. Elle fait, ah, putain, voilà, les pires. Mais les pires, ouais. Mais voilà, c'est rigolo parce que c'est... Voilà, j'aime bien. C'est marrant, ça, c'est vraiment purement lui. Hein. Ouais. Il est rigolo, regarde. Ouais. Rigolo pour quelqu'un qui est aussi compétent en théorie d'avoir redoublé 50 fois. Ouais, c'est clair. Les décors sont sympas, c'est bien de les voir sur des... Sur des environnements un peu plus ouverts comme ça, je sais que ça embête ouais. À certaines personnes, les moments en studio et tout, donc bien de les voir avec leur cap, leur bure Jedi au vent, dans les ouais, montagnes. Ah ouais, ils sont beaux. Ouais. Suite à ça, on a donc une scène avec Kimir et May. Attends, parce que... Non, pardon. Il y a une petite... petite discussion entre Osha et Yord, justement, où Osha doute encore du fait que May peut être, ramenée à la raison. Et pour une fois, un rare Yord win, où il lui dit, tu sais, Sol, il pense que c'est le cas et il a raison, je pense. Tout simplement. Et, oui. Et c'est là que Yord, il est très bon pour suivre la sagesse des autres. Et il est peut-être pas aussi bon pour penser outside the box, mais il sait reconnaître quand ses aînés ont de la sagesse à donner. Et c'est intéressant parce que Osha, c'est sa sœur. Yord, il a aucun lien avec et tout. Et pourtant, comme Sol, il croit en la possibilité de rédemption pour May. Ouais, c'est pas parce qu'il est mauvais que... Enfin, c'est parce qu'il est mauvais. C'est pas parce qu'il est plus lent que les autres que c'est pas un Jedi, en fait, tu vois. Absolument. C'est un Jedi quand même. Il a ses moments. Et c'est cool. Ouais, complètement. Ouais. Du coup, ensuite, on avance un peu et on se retrouve dans la forêt de Kimir ou... non, pardon, dans la forêt de Kimir. J'aimerais bien... Non, on se retrouve dans la forêt de Kofar avec Kimir et May, qui sont, on va dire, talonnés par nos Jedi et Basile qui part devant, tandis que Osha a le malheur de toucher une bestiole sur un arbre qui prend son envol et l'attaque, mais Saul dégaine son sabre laser bleu que je crois on n'avait pas encore vu jusqu'à présent pour couper cette créature en deux. Oh, le Calcestis moment là. Ouais, c'est j'ai absolument pensé à Fallen Order et Survivor lorsque j'ai vu les créatures qui étaient en boule là se déplier. Ouais. Enfin, c'est vraiment des genres de bestioles que tu tues en deux coups de sabre quoi. Et c'est rigolo parce que c'est une belle représentation quand même de la différence entre quelqu'un qui est toujours un Jedi, malgré toute la compassion qu'il a, c'est pour cette créature-là qui la réaction de Osha est la bonne réaction de se sentir vraiment super triste d'avoir déranger cette créature qui faisait rien d'autre que de dormir. Et la créature, elle a fait quoi? Elle s'est défendue parce que elle savait pas, elle a pensé qu'elle était en danger. Et elle a fini par se faire couper en deux, tout simplement. Et Sol, lui, il rengaine son sabre laser, il s'en va et c'est Osha qui est laissé derrière pour process les émotions qu'ils devraient tous process techniquement. Parce que c'est des Jedi, quand même. La vie, c'est sacré, non? Ouais. Mais pas les petites créatures. Cette créature, ils appellent ça un Umbra Moth. C'est dit dans les sous-titres. Mais voilà, c'est tout. C'est l'instant Wikipédia. Ouais. Bah, bravo. Bon, je t'en prie. Bravo Wikipédia. Oui, bravo. Bravo le coup Wikipédia. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a ce moment où elle parle avec Jackie de la mort de l'Umbra Moth, mais d'abord, non, c'est là? Oui, c'est là, c'est bon, elle se parle justement de la mort, et Jackie dit un truc qui, moi, m'a un peu étonné, en vrai. Ah, ouais, le fait que toutes les créatures meurent. Bah non, mais le fait que, genre, elle dit quoi? Elle dit, on doit se réjouir. C'est un privilège de... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un privilège d'assister à, genre, la communion, genre, dans la force d'une créature, quoi. Et moi, je trouve ça assez violent, genre... Bah oui, c'est enfin, ça, ouais. Ils sont vraiment détachés du concept... c'est bizarre. Il y a que Osha qui a une réaction normale. Ouais, mais après, Jackie... Ouais, Jackie, je me dis, elle est jeune et elle est encore, tu sais, genre, je sais pas, attachée à la philosophie brute des Jedi, tu vois. Là ouais. Où Osha, elle a pu prendre son indépendance un peu et en fait, considérer la vie autrement. Et puis elle dit aussi que Une des raisons pour lesquelles elle a pas pu devenir un Jedi, c'était parce que justement elle peut pas se détacher de ses émotions par rapport à ce genre de choses. Et c'est rigolo, on a beaucoup parlé de la compassion de Saul avant, mais Osha aussi, au final, elle a beaucoup de compassion. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui va être clé plus tard. Une autre chose qui est clé plus tard aussi, c'est que Saul dit qu'il va bientôt faire nuit. Il dit même qu'il va faire tout noir. La gueule. Et, ouais. Et ça, c'est important plus tard. Pendant ce temps-là, Osha en a marre. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle en a assez, elle a besoin de s'asseoir un peu. Et du coup, Kaimir décide qu'il va aller un peu en avance. Pour faire quoi ? Pour aller chercher de l'eau, non, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ce qu'il dit. Ouais, hein. Mais c'est là où tu vois bien que May, elle est en train de se dire « Non, mais attends, c'est quoi ça ?» Ouais, elle se dit « Mais c'est du bullshit ce qu'il me dit, le maître, en vrai. C'est ouais. N'importe quoi. » Un truc que je disais quand on regardait aussi tous ensemble, je me demandais « Est-ce que... » Oui, j'adore le moment où elle dit « Oh, c'est pas un test, c'est impossible. » Et la première réaction de Kaimir, c'est d'essayer de la corriger. C'est pas... Non, c'est pas impossible. Tu le sais bien. Ouais. Qui est piqué dans son ego, vraiment, c'est 2000% lui. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois pas comment ça peut ne pas être lui. J'aime vraiment trop le... Un peu... exaspération. Là. Genre... Il est en train de perdre patience. Mais... je me disais, est-ce que ce qu'il veut dire, c'est pas de... d'utiliser quelqu'un d'autre, d'utiliser leur faiblesse pour même pas avoir besoin de elle-même passer à l'attaque. Que le Jedi soit tué sans qu'elle ait besoin de d'engager le combat. Par exemple, en utilisant Osha contre Saul, quelque chose qu'il lui a dit juste avant. Ah, Saul, il est très... Enfin, Osha, elle tient beaucoup à Saul et tout, et qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que il veut pas qu'elle tue physiquement un Jedi, mais qu'elle lui détruise... qu'elle le détruise moralement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu qui voulais dire que je dise aussi. Et pourquoi pas un force choke ? Il n'y a pas besoin d'armes pour faire un force choke. Ça se trouve, c'est ça. Il veut apprendre comment le faire, mais il a pas d'idée. Ah, si c'est bien Kimir, il peut apprendre son bois quand il veut. Oui, c'est vrai qu'il lui avait dans le premier épisode, tu qui me rappelles que il lui avait dit de détruire le rêve des Jedi et leur les fondations de leur croyance et tout. Mais peut-être que c'est vraiment ça qu'il veut. Essayer de les briser moralement. Ouais, peut-être. Bah, je pense qu'on verra bien. Hein, mais... Bah oui, bah, ça c'est sûr. Mais ça sent pas bon pour nos copains Jedi. Oui. Tandis que May, de son côté, se bat. En fait, Kimir part et elle se lève et tu sentais bien qu'elle avait, elle cherchait l'occasion juste de partir sans lui, quoi. Oui, elle faisait semblant d'être fatiguée et tout, pour pouvoir s'en aller. Elle prépare quelque chose. Ouais. D'ailleurs, il commence à faire un petit striptease devant elle. Il retire sa cape et tout. Mais il s'en va quand même avec son sac. On voit jamais ce qu'il a dans son sac. Hein. Non, c'est vrai que c'est curieux, ça, tiens. Ouais. J'aime vraiment son, sa tenue à Osh. Quand elle a sa côte de maille à l'air, là, comme ça, je trouve vraiment super cool. Ouais, ça lui va bien. Mais c'est vrai qu'elle s'en va pas. Elle prépare le piège. Ouais. Et du coup, lui, bah, il se fait piéger. Et du coup, voilà. Elle décide de se barrer en disant, bon, bah, écoute, je vais me rendre à Kenlaka et comme ça, je vais me rendre au Jedi et ils vont comprendre et voilà, j'y vais. Bye! Pendant ça, Basile s'est barré. Il est allé trop vite. C'est vrai, ouais. Un truc que je me disais, vu qu'elle avait préparé la corde, est-ce que tu crois que May avait prévu dès le début de... d'abandonner Je m'étais pas demandé. Je pense pas parce que elle tend un piège. Tu la sens vraiment choquée quand tout à l'heure elle disait. C'est vrai. Donc voilà, je pense pas que c'était prévu. Mais elle tend. elle a eu le temps de penser. Elle tend un piège à Kaimir. Et elle se rend compte que. J'ai pas besoin de faire tout ça parce que toutes ces croyances jusque-là, elles étaient basées sur le fait que toute sa famille était morte. Mais toute sa famille n'est pas morte. Osha est toujours là. Osha est vivante. Et elle trouve le courage de se dire « Bon, ben je vais aller voir Kelnaka et je vais me rendre. » Tout simplement. Et je m'y attendais tellement pas, je sais pas toi. Mais je l'ai vraiment pas vu venir. Non plus, ouais. Alors en vrai, quand elle s'est rapprochée et qu'on voyait Kelnaka de dos, là, je me suis vraiment dit, le mec est dead. Mais, mais avant, non, je m'y attendais pas du tout, ouais. Et du coup, elle s'en va et elle laisse Kaimir derrière, suspendu par le pied. Pense à les Jedi se rapprochent et j'ai l'impression que Saul ressent quelque chose à travers la Force, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu interprètes, toi? Ah oui, non mais complètement. Ouais, c'est il y a un truc qu'il sent en fait. C'est pour ça qu'il se bouge, quoi. Et donc, voilà. Ouais. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. Je crois que c'est là qu'il lui promet qu'il va tout lui raconter. Non? Ah, je sais pas. Il lui dit, voilà, tu vas pas faire face à ta sœur, tu vas faire face à ton passé. On va tous les deux le faire. Oui, c'est ça. Et une fois qu'elle sera en sécurité sur le vaisseau, je t'expliquerai tout. Je te promets. Ouais. Et c'est là que May, en allant du coup vers chez notre Shrek local, se vautre lamentablement devant et Basile qui se met à hurler. Mais les cris sont terribles. Ah, vraiment, ça fait super peur. Je sais pas toi, mais. Ouais, c'est, je mets le son un peu là, mais. Ouais. Et c'est marrant parce qu'elle, elle est trop mignonne, tu sais. Elle lui dit, petit bonhomme, comment ça va et tout. Ouais, sa personnalité change complètement. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu sa personnalité jusqu'ici, mais comme on disait dès le premier épisode, qu'elle n'est pas méchante avec les gens, en général. Elle est un peu rude avec Kaimir, bah, c'est normal, c'est un petit trou de balle. et elle assassine des Jedi, mais elle est pas méchante avec les gens. Et encore une, je trouve que ça aussi, c'est encore une fois une preuve de la bonté qui est en elle que Saul ressent. Et et bref, elle continue et vient se rendre auprès de Kelnaka. Qu'est-ce qu'on découvre, Adrien? On découvre que le mec est dead. Hein. Le mec est dead. Comment ça t'a fait te sentir? Bah, j'étais un peu triste parce que j'aurais bien aimé en voir plus parce que j'aime bien les Wookiees. Mais bon, je suppose que. Et clairement, c'est un sabre laser. Oui, oui, il s'est fait vraiment. Ouais, il s'est fait vraiment exploser le bide à coup de sabre laser, quoi. Donc voilà, bah, il sera pas dans la saison 2, a priori, donc. Non, c'est sûr. Voilà. Et là, tu vois que May est terrifié et la nuit tombe. Tandis que les Jedi arrivent chez Kelnaka et l'exhortent à sortir de là. Pas Kelnaka, mais directement. Et là, du coup, on arrive à un moment critique dans la série. Moment qui est terrifiant. Parce que tout le monde est fixé vers la hutte. Enfin, tous les Jedi. Et on a un plan de Osha. Et par-dessus son épaule, on voit une forme dans la forêt qui l'évite. Ouais, tout doucement. Qui évite tout doucement vers le sol. Ça, je suis en train de le revoir, là, c'est fantastique. Ouais, c'est vraiment trop de la gueule. C'est tellement simple et c'est tellement bien foutu. Ouais, c'est clair. Il faut pas grand chose hein, quand même pour faire des trucs super cool. Ouais, tous les Jedi qui se retournent de manière ultra flippée. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Et Sol est le premier à tourner. Hein, ouais. À se tourner. Ouais, il le ressent tout de suite. Hein. Ouais, je pense. Jackie fait what is that ? Elle est trop précieuse. Sith, on va dire Sith pour l'instant. Hein. Le master. Le master, oui. L'étranger, d'ailleurs, il était appelé comme ça dans les... Bah voilà, l'étranger. L'étranger, avec son masque, se rapproche tout doucement Bon, encore une fois, je vais faire un parallèle, mais tu te souviens, dans l'épisode 2, quand Kaimir, il était dans la petite échoppe, là, et qu'il n'y avait que lui et Osha, il s'est doucement rapproché d'elle jusqu'à être vraiment collé à elle. Ben, c'est exactement ce que fait l'étranger là. Ouais, c'est vrai, non mais complètement. Ouais, il la colle vraiment et il dégaine son sabre. Enfin, J'ai cru qu'il l'avait tué et qu'il avait fait une Kylo Ren. Je vais pas mentir. Oh, putain. La première fois, j'ai dit non. Effectivement, non, il fait quelque chose d'encore plus cool. Ouais. Il est tellement classe. Il la pousse juste avec un petit mouvement de ses doigts pendant que les Jedi chargent. Il lève ses doigts, il la regarde. Il lève ses doigts. Pouf, il met ses doigts sur le côté et elle est projetée, mais genre... Ah ouais, comme un vieux chiffon. Super vite sur le côté, mais ouais, comme si c'était un chiffon, quoi. Et elle est terrifiée, tu vois, sur son visage. Ah bah ouais. Elle sait pas ce qui se passe, quoi. Elle a vraiment peur. Mais tu sais que c'est pas bien. Tu vois ça. Ouais, c'est pas ce qui se passe, mais ouais, non, mais complètement. Et c'est vrai qu'en fait, voilà... Les Jedi dégainent tous leurs sabres. Saul crie « Osha, run !» il me semble. Hein. Et les Jedi courent vers l'étranger, sabre en main. Tandis que ce dernier, après avoir expulsé Osha d'un revers des doigts, tourne sa tête, mais comme si c'était un prédateur, tu sais. Ah ouais. Direct avec ses dents, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que des gens l'appelaient Darth Teeth. Oui. Sur Internet, donc ça m'a fait un peu rire. Faudrait lui donner un nom. N'hésitez pas à donner un nom en commentaire et on l'appellera comme ça si votre nom est assez rigolo. Voilà. On va faire un concours. Et l'épisode se termine alors qu'il, toujours de manière très calme, repousse absolument tous les Jedi qui sont en train de le charger. Et, ouais, alors en vrai, il est balèze. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine. Ce qui a frustré beaucoup de monde, mais je veux dire, c'est de la télé, quoi. C'est comme ça. Oui, non, mais complètement. Mais ça, il faut jouer le jeu. Moi, vraiment, j'ai vu ça. Quand l'écran noir est arrivé et qu'on a vu Directed by Alex García López, vraiment, je pense que ma réaction, si je me rappelle bien, ça a été de dire Non, ils sont sérieux. Parce que ça s'arrête tellement abruptement. En fait, on n'aurait jamais dû se plaindre pour les semaines précédentes où on pensait que les dernières scènes, c'était bizarre. Ouais, ouais. Bah, là, c'est vraiment, ça s'arrête, mais de manière deux fois plus abrupte qu'avant. Et il se trouve que voilà, l'épisode, c'est un immense coq-bloc, cette fin d'épisode, mais c'est pas plus mal. Ouais. Bien sûr, et puis voilà, on aura la suite. On n'a qu'une seule semaine à attendre, ça va. Pour moi, c'est le seul point un peu noir de l'épisode, et ça me dérange pas plus que ça. Oui, non, c'est faut jouer le jeu, comme tu l'as dit, hein. C'est de la télé, c'est normal que y ait des cliffhangers à la fin des épisodes. Hein. Exactement. En tout cas, désolé, ça a été laborieux, plus que d'habitude, mais on a quand même trouvé pas mal de choses à dire encore. Et pour conclure, je propose de finir en parlant de deux choses du coup dans cet épisode qui nous ont marqué. Adrien, je te laisse commencer encore une fois. Basile. Ouais. Basile all the way, j'adore ce perso et le peu que j'ai vu, je trouvais trop cool. Maintenant, un autre truc que j'ai bien aimé c'est dur, tout. En fait, c'est compliqué à chaque fois, chaque semaine. Hein. Mais dans la fin, forcément, elle est quand même assez iconique. Et la musique. Ouais, je veux dire la musique. La musique de Michael Abels qui était vraiment bien. Voilà. Ouais. Bah moi, du coup, c'est le petit retournement de situation par rapport à May. Et ouais, l'entrée en scène à la fin. Vraiment. Qui te donne envie d'en avoir plus, clairement. Peut-être que si ça frustre autant, ouais, c'est justement parce que c'est... Ouais, c'est bien. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 5 de The Acolyte. On remercie chaleureusement Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Bisous tout le monde. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous. Il fait chaud sa mère.